des prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et on écoutera bien évidemment le son de Gym Class Heroes avec Adam Levine dans un instant. Ce sera Stereo Earth. Et puis je vous rappelle le système, le fonctionnement de la ligne anti-relou qui est relativement simple. On met un numéro de téléphone à votre disposition. Le numéro de téléphone est le suivant. 0-473-86-00-13. Numéro à donner bien entendu à toutes les personnes que vous risquez de croiser, tous les relous que vous risquez de croiser, que ce soit en soirée comme ce week-end par exemple, que ce soit au boulot avec un client qui pourrait être relou, hein, c'est possible, hein, ou ça peut être votre patron, ça peut être votre directeur, ça peut être votre prof, bref, n'importe quel relou que vous croisez, vous lui donnez ce numéro de téléphone là si jamais il souhaite le vôtre. 0-473-86-00-13. Et puis on va écouter le premier message maintenant, c'est parti. Ah oui, c'est parti, voilà. Oui, bonjour madame Relou, magasin Crèche-Fraîche, ici de Nul. Je vous téléphone juste pour vous prévenir que des cartons sont à votre disposition à votre magasin de Nul. Voilà, bonne journée, au revoir. Non mais ça c'est pas bien parce que... Oh bah, c'est un peu dommage parce qu'elle saura jamais que les cartons sont à sa disposition. Non mais je pense qu'elle s'en fout les cartons, je crois que c'est juste pour emmerder le client, le vendeur. Hein. Oui parce que c'est peut-être juste des cartons justement. Voilà c'est ça, oui oui et c'est ouais. Ça, je crois que ça doit être des vieux cartons. Bonjour magasin Crèche-Fraîche, c'est pas toi Lob? Si c'est moi qui ai eu des problèmes avec Crèche-Fraîche. Non mais c'est pas toi qui a donné le numéro. Non. Ah bon d'accord, ok. Non, il a pas eu des problèmes, t'as voulu échanger un truc. Ils t'ont donné un bon d'achat, c'est tout, mais c'est normal. Bon, deuxième message. Rien, c'est Romain. Rappelle-moi, c'est pour te dire bonsoir. Ouais, bah tiens, là, ça donne envie de rappeler, tiens. Compris, ouais. Ouais, c'est Romain. Rappelle-moi, c'est pour te dire bonsoir. C'est aussi la ligne des alcooliques anonymes. Oui, hein, exactement. Aussi, oui. Oui, ça fonctionne aussi. Allez, dernier message pour Storcy. Oui, c'est moi. Bah écoute, mon chéri, j'ai apprécié la soirée qu'on a passée ensemble. Et voilà, bah, quand je me suis levée ce matin, il n'y avait plus personne. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mais oui, tiens, comme c'est bizarre. C'est bizarre, il est parti. Mais oui, il est parti comme un voleur. Tiens, oui. Étrange. Il t'a démonté toute la nuit, rien. Tiens, je pensais que t'allais me chercher un petit déjeuner, mais au final, tu n'es pas là. Je suis vraiment très triste, c'est vraiment dommage. Mickaël à la radio, le replay. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Nous avons vendredi encore pu répondre à cette grande question, évidemment, de notre. C'est l'ami de Julie, elle aime beaucoup ce qu'il fait. Oui. Hein, notre ami Arnaud, évidemment. Hein. Oui, ah non. C'est que je vois. Ah non, c'est pas du tout, c'est pas celui-là que je devais mettre. Mais c'est pas le grave. Le pire animateur de la télé, c'est ça? Bah, c'est pas le pire animateur de la télé, mais s'il dit. Est-ce que, à votre avis, l'amour est aveugle? Oui, il a fait un peu. Il a fait des efforts. Oui, mais ça, c'est vrai. Hein, est-ce que l'amour est aveugle, vous pensez? Eh bien, nous répondrons à cette question ce soir. Ah, tu le fais très bien, dis donc. Oui, bah, je sais, mais j'essaie d'être encore un peu plus mou, mais je devrais y arriver. Bon, et comme toujours, on peut répondre que non, évidemment, et surtout pas sur TF1, puisque sur les 6 prétendants, 3 garçons et 3 filles qui se sont rencontrées dans le noir, il n'y aura qu'un seul couple. Et encore, ils se sont même pas roulés une pelle, hein, c'est pour vous dire. Et pourtant, il y avait tout pour se mettre en valeur, évidemment. Hein. Ce qui me plaît chez moi, surtout, c'est ma troisième jambe. Et oui, sa troisième jambe. Franchement, okay, il était bien. Oui. Oui, c'est clair. Le mec, il se met en valeur tout de suite, tu vois. Il dit les choses. Hein. Ah bah directement. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Toff. Ah bon beau, je le remets, on l'a pas bien entendu, écoute. Ils sont beaux. Mais j'ai remarqué que certaines femmes aimaient bien les moches. Donc, ouais. Ah, tu vois. Rien n'est pas. Mais voilà. Mais tout est possible même. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et bien, on va finir sur notre désormais inévitable cours de français avec la charmante Laetitia. Mais là, qui c'est que je dois que je voie? Eh oui, il faudra que je voie. Mais oui. Mais oui. Bah, que j'accent tout passe. Hein. Ouais, bah, enfin, je le remets. Mais là, qui c'est que je dois que je voie? Bah oui, il faudra que je voie. Ah, voilà, mais tout là, simplement. Qui c'est que je dois que je voie? Oui, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit en fait. Mais bon, cela dit, c'est la seule qui a réussi à trouver l'amour. Donc finalement, elle a peut-être mieux fait de voyou dans le noir. Hein. Ah bah oui. Bah oui, au final. Non mais c'est vrai. Bah quoi, c'est vrai que finalement elle a peut-être tout réussi, la petite. Ah si elle a trop passionné l'amour, on va pas lui. Ah bah t'as lui gâcher la soirée. Ah bah non mais ça c'est clair, voilà. Bon, l'amour est aveugle, encore une fois, un grand moment de télévision. C'était vendredi bien évidemment. Alors ce soir, par contre, va y avoir du lourd, ce qui veut dire que demain va y avoir du lourd puisque l'amour est dans le pré. Ils sont partis en vacances. Oui mais ne prends pas des engagements comme ça. Non mais attends, on a vu les extraits là. Oui mais ne prends pas des engagements comme ça. Non mais après j'y peux rien, oui, mais ce sera peut-être pourri. Comment elle s'appelle qui parle anglais là? Rien que ça, c'est de la diffuser. Ah ouais. Non mais on verra. Oui, mais je regarderai ce soir comme beaucoup, je pense. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir du lourd, du très très lourd. Enfin bref, je m'engage peut-être, effectivement, c'est possible. On verra bien. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. Fun. À la radio. Nous allons maintenant faire la déclaration express spéciale politique, puisque bah, Julie nous a dit que c'était encore le carnage au niveau des politiques, avec Élodie Rupo, avec et le oui. maire, avec le PS, bloque, avec tout le bordel là. Ça bloque, ça bloque. Il y en a qui veulent prendre de l'argent à gauche, d'autres qui veulent prendre de l'argent à droite. Bref, au final, c'est le bordel. Voilà, c'est un petit peu le résumé. Ouais. Voilà, dans l'absolu, c'est ça. Donc du coup, nous avons prévu une petite déclaration express pour nos amis politiciens qui sont en train de s'amuser depuis un an et demi, hein, à bah, au final, pas faire grand-chose. Bon là, ils travaillent un peu depuis peu, mais enfin, je veux dire, sinon, c'est pas passé grand-chose en un an et demi, c'est ça qu'on voulait dire, en fait, tout simplement. Bon, déclaration express, c'est parti pour l'OB, il est prêt ? Ouais, allez, je suis prêt. Eh ben, c'est parti sur Friends, forcément. Allez, hop, c'est parti. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Lob? Tu me fais du caca, là? Non, c'est... Ah bah oui, bah il fait n'importe quoi avec c'est le son. C'est mon ordinateur qui tombe en panne. Ah bah voilà, il manquait plus que ça, tiens, maintenant. C'est mon ordinateur. Allez, voilà. C'est parti. Ça fait maintenant un an et demi qu'on a voté. À la radio, la télé, on parle que de BHV. Et alors qu'on pensait le problème réglé, il paraît qu'Elodie Rupo menacé de démissionner. Non, ça me bourre le mou qu'on nous prenne pour des cons. Ça me bourre le mou, le MR et le pognon. Ça me bourre le mou qu'on nous prenne tout notre flouze. Yeah. Oh yeah, rock and roll ce matin, ben voilà, spécial dédicace. Hein. On a essayé de les appeler, malheureusement, il n'y avait personne. Hein. Bah oui, mais ils ont travaillé jusqu'à 2h du matin, les pauvres, alors merde. Ouais, c'est vrai quand même, on a été les faire chez 8h. Enfin, voyons, sans déconner. Mickaël à la radio, le Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Bon, nous allons faire chier le monde, même si Tof prétend le contraire, non, mais je mais pense non, qu'il y a non, un moment pour pouvoir avouer les choses. Bon, c'est bon, pas bah vrai. Si, on va faire chier du monde ce matin. Mais non, je vais aider nos auditeurs à pouvoir avoir une vie de couple sereine, amoureuse, heureuse. C'est-à-dire ? Bah en fait, donc c'est Emiliana Silverstreet. Je le dirai qu'une fois. D'accord. Donc qui explique dans un bouquin qu'en fait, il y a 101, selon elle, 101 manières de garder son mec à la maison et qu'il soit heureux et qu'il n'ait pas envie de la tromper. Donc lui envoyer plein de messages, tout ça. Non, justement, c'est ça. Justement, donc il ne faut pas envoyer de SMS, il faut, faut faire des efforts sur la lingerie, lui faire à manger à poil de temps en temps. Ah ouais, bah. Enfin voilà, que des trucs sympas qui effectivement me feraient rester à la maison. Et tu vas appeler pourquoi du coup alors? Pour voir s'il y a d'autres méthodes et si les gens que je veux appeler auraient peut-être des conseils à rajouter à ceux de Josiana. Josiana, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, écoute, on va y aller, on va appeler alors. Hein. Bah, appelons. Bah oui, on va appeler à Eupen. Mais oui. Allez, c'est parti. Une très belle ville, Eupen. Oui, bah il faut encore que ça parle français, hein. C'est pas gagné ça. Merci. Bon, allez, on y va, c'est parti. Direction Eupen maintenant. Yep. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur les 101 façons de garder son mari à la maison et je voulais savoir ce que faisait votre femme pour vous garder à la maison. Foutez-moi la paix le matin. Tu peux l'après-midi, mais oui. Pas le matin. Le matin, il faut un petit peu arrêter d'emmerder. C'est on va le rappeler, il avait l'air tellement gentil. Mais oui. Allez, c'est parti. Oui. Bah oui, attends. Oui, bah oui. Oui, excusez-moi, mais ce n'est pas ce que j'attendais comme réponse. Bah je m'en fous. Ah bah oui, mais enfin, vous pourriez faire un effort. Vous pourriez me dire ce que vous fait votre femme pour que vous restiez à la maison. Monsieur, oui. Il n'est pas encore 8h. Oui. J'ai pas envie de parler avec vous sur un thème pareil le matin. D'où avez-vous ce numéro de téléphone? Je l'ai trouvé. Voilà. Voilà. Cherchez un autre. Oui. C'est pas bête. Oui, c'est pas con du tout, en fait, comme idée. Chercher un autre. C'est vraiment pas bête. Mais non, mais il a raison, mais effectivement, ouais. Oui, tout à fait. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.